Radio Parano, vous n'écoutez pas la radio. Elle est dans votre tête, elle est dans ta tête. Tu croyais quoi? Il y a une radio allumée vers toi? Non. Nous sommes dans ta tête, nous ne partirons plus. Éloigne-toi, éteins la radio, ça ne change rien. Nous sommes là pour rester. Tape-toi la tête contre les murs, c'est pas grave. Nous sommes dans ta tête. Donc je... Parfois, nous pensons agir, ne brisant l'encerclement que pour retomber dans d'autres tranchées, manipulées jusqu'au tréfond de nos âmes. Parfois, nous pensons interagir, quand nos monologues et nos actes ne se mêlent que si peu, que le mal dit est mal entendu, dans l'ivresse de la peur, du repli. Parfois même, nous refusons d'admettre que nous sommes vécus, plus que nous ne vivons, que le jeu n'est qu'un avectar fugace, subjectif, miroir où se multiplient les regards, les mots, les gestes. Parfois, nous sommes semblables à l'ennemi. Il nous a vu naître, il nous a construits. Notre colère destructrice se retourne contre nous-mêmes, contre nos complices. C'est vrai que parfois nous ressemblons à l'ennemi. Mais dans notre immaturité, notre violence est joueuse, créatrice. La sienne est celle d'une machine bornée, cupide. Nous avons appris la violence de nos maîtres, elle a grandi en nous. Dans la joie, dans la douleur. Oui, c'est vrai. Nous sommes empoisonnés, issus de l'ennemi. Nos anticorps sont imparfaits. Nous voulons rattraper le présent. Et nous savons qu'il n'y a rien pour nous dans leur futur. Dans un enfer industriel, au bord de l'effondrement. Ouvrir des yeux sur un monde de façades lézardées. À Saint-Étienne, à Gdansk, à Leeds. Échanger des regards, surtout pas innocents, avec les fenêtres bientôt vides. Quant à Vénitieux, à Thursday, le colonialisme éternel, buveur de sang, se réveillait dans la colère. Quand les hyènes se rebaissaient des corps tièdes de Bobby Sands ou de Marchenko. Blocage! Goulag, psychiatrie soviétique. Mon enfance, mon enfance. Ah, ah, oh. grandir. Grandir quand la mort de Casimir et de sa Julie sonnait le glas d'une liberté sexuelle et politique, rayée du possible, rayée du champ de l'existant, rayée de nos vies sexuelles naissantes. Mon adolescence. Et la petite fille chantait. Et la petite fille chantait. Un truc qui brise le cœur de tous les tripes, un fait de la peau. La petite fille chantait. Le long, long rêve d'un ordre moral qui n'a jamais été vaincu. Le long rêve d'un ordre moral qui n'a jamais été vaincu. Quand Michel Barzac repoussait la vente libre de seringues jusqu'en 1987. La petite fille chantait. Petite fille chantait. H-I-V. H-I-V. H-I-V. Hey, la jolie promenade dans cet enfer branché. La jolie promenade dans cet enfer branché. Quand ne brille pas le soleil, on remplace des néons. Nos corps, nos âmes, marchandisation, café génocide, yaourt, viol, assurance agression. Le paysage banal et clinquant de l'apocalypse à venir, dont les prémices, pas plus que l'apogée, ne nous sont sensibles. Sinon, parfois, à travers la faille dans la trame du réel, la large déchirure dans le voile aveuglant, hallucinatoire et protecteur, qui nous fait croire à l'écoulement du temps. Mais je sais très bien que nous sommes figés dans un éternel présent de désespoir. Un jour, j'ai couru vers l'abîme. Sans cesse, il reculait. Cauchemar, enrhumant, fuite, impossible, jaillissait. Mes corps noués, liés, McDo, PayPal, Body Shop, Starbucks, café, génocide, viande, salarié, m'envahisse, me traverse, fake, pack, dough, pay, pal. Il me digère, me recrache, à chaque fois, consciemment ou non, un peu plus dégradé. We'll be right back. rien dépassera mien, dépassera rien, dépassera chien. Demain les pauvres seront debout, ils taperont du pied sur l'asphalte car il fait trop froid pour s'asseoir. Demain les pauvres seront debout car ça prend moins de place à stocker. Demain les pauvres seront cubiques et ça sera encore plus pratique. Demain sera rien, demain sera chien. Demain sera bien, demain sera mien, demain sera rien, demain sera chien. Une marche mon impas déguisé pour esquiver l'énième contrôle. Les jambes, mets de la crème. T'as pas de chez toi, rends-y quand même. Demain les pauvres seront debout car ça montrera moins de place à stocker. Demain les pauvres seront cubiques et ce sera encore plus pratique. Demain sera bien, demain sera bien, demain sera rien, demain sera chien. Demain sera bien, demain sera bien, demain sera rien, demain sera chien. Éternel de l'amour et de la guerre, je t'ai cherché. Je ne t'ai pas trouvé. Et de couloir en couloir, de porte à demi murée, de murs percés, j'ai pris conscience d'être déplacé. Ma volonté luttait sans cesse pour reprendre le contrôle. Et sans cesse était submergé. Dans le squat éternel de l'amour et de la guerre, on ne se déplace pas. Tout vient à nous. La logique mystérieuse d'une psychogéographie de rêve, d'une errance, d'une possession. Dans le squat éternel de l'amour et de la guerre, je t'ai cherché. J'avais besoin de ta voix, de tes mots, de ton corps, de ton sexe, de tes regards, mais je ne t'ai pas trouvé. Là, des ombres se sont détachées à travers un rideau, ombre chinoise qui s'enlaçait. La bile emplissait ma bouche d'une jalousie brûlante et indicible, impensable. Je voulais l'admettre, jusqu'à ce qu'elle enfonce mes barrières de déni, se nourrisse de ma culpabilité. projette une lumière crue sur la laideur de mes sentiments, possession. Mais dans le squat éternel de l'amour et de la guerre, ce n'était jamais toi. Et je continuais ma quête par ses traverses et ses dépendances. Couloirs, les arbres, les chambres des suicidés étaient attribuées aux toxicos, aux amants du pile ou face avec la mort. Et les visiteurs, voyeurs, les amis franchissaient ce seuil et apprenaient qu'avoir abandonné toute espérance est parfois le seul moyen de renaître à soi, aux autres. Vivez, mourez avec votre amour. Emportez-en un bout. Nous garderons le reste en souvenir de tout, en souvenir de nous. Les chambres des emprisonnés étaient des lieux de fête, de colère. Les chambres de ceux qui avaient dû se créer de l'amertume pour enfin partir étaient rituellement souillées de merde et nettoyées par le feu. Dans le squat éternel de l'amour et de la guerre, l'intelligence et la folie collective trouvent et rejettent mille solutions dans une sphère des esprits semblable à une tempête. Là, plus loin, j'ai ouvert une porte. J'ai ouvert une porte sur un jardin. Et c'était une montagne, c'était une vallée, c'était un clair de lune. Je me suis tordu les chevilles sur des sillons et j'ai ululé de douleur, d'absence pendant le dernier tiers d'une bouteille de vodka avec trois allumettes. Et puis tu étais là, dans un autre champ, dans un autre temps. Tes larmes sont venues, gratitude, tendresse, douleur. Dans le squat de l'amour et de la guerre, j'ai visité des chiottes et des recoins. Avec toi, ou alors étais-je toi? Moi, que ce soit toi, qui suis maintenant moi. Seringue bricolée et moussée, ratage de veine, dégoût de soie qui engonflait, infecté. Parfois, le mélange à la lumière se révélait. Plein d'avortons de fées, de filaments dansant lassivement. La seringue était de verre, avide de cuivre brillant. Dans le squat éternel de l'amour et de la guerre, j'ai parfois trouvé le bonheur éclatant. Celui qui laisse l'amertume, la colère, l'impuissance, tout leur poids, et permet de les regarder sans trembler, lucides, déterminés, libérés, prêt à ressusciter. Ressusciter nos morts. Ressusciter notre mort. Nos proches, les anonymes. Ce que nous voyons à travers l'univers, l'amour, publicité. Ils savent utiliser le sexe pour vendre. Nous savons l'utiliser pour nous renforcer. Les chiens écroisés, ébroyés par le travail, par la misère, par la dépression. Les armes des soldats retournées contre eux-mêmes. Les statistiques compatibilisées par le service du ministère de la guerre aux populations. Les pigeons morts. Nous sommes tous là, réunis. Dans le squat éternel de l'amour et de la guerre, je ne sais plus si je cherchais la mort, la complicité, la colère, la joie, tous ensemble, dans ce nuage de lacrymogène, de fumée d'herbe. Nous attendons le jour de la colère, avec la foi, l'espérance, la charité pour les morts. Nous sommes impitoyables, joyeusement dépouillés de nos derniers espoirs. Nous ne savons pas quel sera le prévisionnel pour la fin du monde, et peu nous importe. De nos semences et nos cyprines répandues au sol jailliront des golems pour détruire ce monde. Qu'ils crèvent vite.